pourquoi ce sourire quand tu m'aperçois? Qu'est-ce qui te fait rire? Pourquoi ce regard-là? Tu sembles déçu par ce que tu vois, mais qu'attends-tu?